carte sur table et l'encre coulera. Quatre cartes sur table et l'encre coulera. Je te mets carte sur table et l'encre coulera. Mes nuits sont glaciales, à l'antipode de mon cœur qui chauffe. J'ai le vide devant moi et y'a un ange qui me dit vas-y saute. Ma vision qui se brouille quand mon mal-être se veut insistant. Crise embrouille alors j'ai ma plume qui me vient en assistante. Et ouais t'as vu j'titube, j'marche sur un fil avec mes grands panards. Ici j'tribuche alors parfois je me demande si je dois quitter Paname. Tant de questions qui trottent dans ma tête et dans mes agissements. J'ai des flashs du passé quand je repense à des amis qui mentent. Mathieu, déjà 3 ans t'inquiète moi j'oublie pas. J'ai beau positiver, me motiver, impossible j'souris pas. J'garde un masque de haine, de tristesse et de mes rêves pendus. Bientôt 27 piges et j'ai mon cœur planté sur la pendule. Un quart de siècle, bilan des dégâts majeurs. J'ai plus la tâche, je coule car j'ai pas l'étoffe d'un bon nageur. Alors je plane, côtoie le zénith et prends de l'altitude. Crois pas que j'hésite, j'évite les embrouilles juste par habitude. Laisse-moi un temps d'adaptation. Je vois la folie de l'homme où mettre mot son crise et dérision. Alors je me réfugie, je me calfe tel un esquimo. La rime ma médecine vaute quand dans la mer tout mon esprit se vaut. Je m'isole mentalement, la tête à côté de mes pompes. Un sang pour le mouvement et quelques faces qui attendent le décompte. Métronome, hip-hop, on cabre à la pulsation. Après le masque, la peau, ici mes dires se font sans dérision. On voit mes plaies ouvertes, sans agrafer ni épingle. Ma feuille immaculée car ma douleur ne fait que lui déteindre. Arc-en-ciel, noir, gris, rouge. Chant et coule rap, le rap en perfusion, une incision et l'encre coulera. Il te met carte sur table et l'encre coulera. Quatre cartes sur table et l'encre coulera. Je te mets carte sur table et l'encre coulera. Carte sur table. J'ai voulu me faire greffer une main pour pouvoir compter mes potes. Maintenant je veux m'amputer car trahison est la mode de l'époque. Je te mets carte sur table, j'en cache aucune, aucun tour de magie. Je cherche enfin la paix dans mes actions, je cherche ma terre d'asile. J'ai déconné, j'ai prié, fais mal aux gens qui m'entourent. Mais avant qu'on m'enterre, je veux rattraper le temps du compte à rebours. Est-ce possible en somme? Quand l'allégresse est percutée de face, elle s'évanouit 6 ans dans la tristesse que mes larmes effacent. J'ai tout misé des fois, des paris m'ont fait changer la donne. Crise d'hystérie dégage, je veux effacer mais j'ai pas la gomme. Alors je prends sur moi, ta fois la bougie peu exposée. Comme un gamin je rêve d'une salle comble d'un vœu exaucé. J'avoue c'est pas joyeux tout ça, si ça manque comme au poker. Les sourires se font rares, fatalement figé façon joker. Oublie les mesures de cette complainte qui est sombre et tragique. Joue l'alternance des mots dans l'héroïne, y'a rien d'héroïque. J'ai pédavamment coupé le souffle, pour ma femme j'ai coupé court. Installation gamin, un rôle de père j'ai voulu faire coup doux. On a voulu me planter, me salir, on m'a couvert de haine. Les chips se sont perdus mais au final ça n'en vaut pas la peine. La jalousie fait des ravages, non loin de ton propre cercle. J'insiste dans ce cercle, sois précis, choisis un bon socle. Je sais que c'est peut-être du charabia si tu rappes pas du tralala. Un produit virtuel que du vent avant son char à voile. Image et figure de style quand je suis saoulé dans mon salon. Un tiers de mon salaire passe dans le son alors mes dettes s'allongent. Je viens pas m'apitoyer, juste un constat loin de mes rêves de mots. Sous mes pieds je sens plus rien, y'a qu'une corde pour me tirer vers le haut.